Christian Radio Sirius. Demain j'irai travailler et ce sera bien dur, car le travail c'est chargé des tubercules de l'espoir.